Maman Soso, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ça y est, ça marche. Salut! Bienvenue dans ce Salut! sixième live de Beauté Imaginée. Tu es prête? Merci, oui, je suis prête et je suis très contente d'être en ton invité ce soir. Eh ben, ravie, moi aussi. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Donc, vous de votre côté, essayez d'imaginer aussi ma belle invitée, Maman Soso, ce soir. C'est ça aussi la force de l'audio. Et si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un nouveau sujet, la beauté pendant la grossesse. Du coup, est-ce que Maman Soso, tu te sens concernée par ce thème? Alors oui, tout à fait, puisque je suis en plein dedans, puisque je suis enceinte actuellement D'accord, de eh bien 5 mois. félicitations. Ah, donc c'est Merci. prévu finalement pour Pour début quel septembre. Ça mois? va, j'ai encore un Début petit peu de temps. septembre. Tu vois encore tes pieds, ça veut dire. Ça va, pour l'instant, Ok, tout est visible. super. Bah, félicitations, ça va être très intéressant d'avoir ton témoignage sur ce sujet. Nous avons Bravo, Mathilde. maman Salut Soso, Mathilde. pour cette grossesse. Merci, c'est gentil. Alors, je te propose de commencer par la rubrique « Qui es-tu selon la presse féminine ?» Si ça te dit, un petit test ciblé sur la grossesse pour savoir quelle femme enceinte tu es. Ok, c'est parti. On se lance. Alors, première question, maman Soso. L'examen sanguin le confirme, vous êtes enceinte. Votre réaction? Vous êtes ravie, vous l'annoncez à toute la planète? Ou vous l'annoncerez quand vous aurez dépassé les 3 premiers mois de grossesse? Ou vous vous réjouissez quand cela ne se voit pas encore, car vous n'avez pas envie qu'on vous traite déjà comme une future maman. Alors moi, j'irai la 2. J'attends les 3 mois. D'accord. Deuxième question. Votre premier rendez-vous à la maternité. Vous discutez avec toutes les femmes dans la salle d'attente pour partager leur aventure. Vous avez préparé une liste de questions à lui poser pour être certaine que tout se passe bien comme il se doit. Vous avez sélectionné la maternité de niveau 3 la plus réputée de tout le département. La 2 aussi, j'ai ma petite liste de questions. D'accord, tu anticipes. Alors, c'est bientôt les vacances et votre chérie vous propose de partir à La Réunion. Vous êtes persuadée que ces moments merveilleux partagés vont profiter à votre bébé? Ou vous vous renseignez sur les risques de prendre l'avion et les infrastructures médicales existantes sur l'île de la Réunion, ou vous prévoyez un trekking de 4 jours avec ascension du volcan. Alors, peut-être pas le trekking, mais en tout cas, j'y vais avec grand plaisir. Donc, ce serait la une. La une, c'est clair qu'en ce moment, ça fait assez rêver quand on ne peut pas bouger. Alors, selon toi, les accessoires indispensables d'une femme enceinte sont des tenues moulantes et sexy pour mettre tes seins arrondis et ton petit ventre en valeur, des guides et des magazines qui permettent de ne pas se sentir dépassée par les événements, des crèmes anti-vergétures efficaces, un régime équilibré et de l'activité physique. Allez, je dirais plutôt un. De sentir bien, de se faire plaisir et de se mettre en valeur à travers les vêtements. D'accord. Ta priorité pour les prochains mois, c'est préparer la chambre du bébé, assister à tous les cours de préparation à l'accouchement ou boucler tes dossiers en cours, tout solder avant le congé maternité. Alors là, je suis plutôt dossier en cours. D'accord, ouais, La 3, boulot, du coup. boulot. Sixième question, il y en a 10 en tout. Tu sais que c'est trop tôt, mais tu te demandes déjà à quand le deuxième? Quel mode de garde tu vas choisir pour que bébé s'épanouisse? Ou comment choisir exactement le jour où tu vas accoucher? Plutôt le mode de garde. Ah ouais, ça, on dit souvent, il faut prévoir dès la grossesse, etc. Ça peut sembler abstrait, mais c'est déjà important. Ton bébé te donne énormément de coups de pied. Tu poses la main de ton chéri sur ton ventre pour qu'il le sente bouger. Tu appelles la sage-femme pour lui demander si c'est normal. Ou tu lui dis qu'il est speed, comme toi. Je mets la main de mon mari sur mon ventre. Huitième question, c'est le grand moment de la deuxième échographie. Tu veux des clichés et une écho en 3 dimensions, tu observes l'échographe et tu t'inquiètes au moindre de ses froncements de sourcils, ou tu vas absolument savoir si c'est une fille ou un garçon. Je suis plutôt à m'inquiéter dès qu'ils froncent les sourcils. D'accord. Avant-dernière question. La perspective de l'accouchement est pour toi une délivrance que tu attends impatiemment, une épreuve que tu redoutes, un challenge que tu t'es fixé. Bon, on va dire un challenge, mais en soi, j'ai pas le choix. Mais bon, on va plutôt dire challenge. T'arrives à le positiver comme ça. Voilà. Et dernière question, maman Soso. 9 mois, c'est très long parce que tu as hâte de faire la connaissance de ton bébé, parce qu'il peut s'en passer des imprévus en 38 semaines, ou parce que tu as hâte de retrouver ta ligne. Plutôt la une, parce que j'ai hâte d'avoir le bébé. Verdict, attention, grand suspense pour ce test de presse féminine dans Beauté Imaginée. Tu es une femme enceinte zen, félicitations. Depuis que tu sais que tu attends un bébé, tu ne touches plus terre, tu es sur un petit nuage. Ta grossesse est une expérience personnelle merveilleuse que tu as envie de faire partager à ton conjoint, tes proches, tes amis. C'est délicieux de voir tout ça gonfler, de voir ton petit ventre s'arrondir, de faire des projets avec le futur papa. Certes, il y a quelques sautes d'humeur, quelques petits tracas dans la vie d'une femme enceinte, et tu n'échappes pas à la règle. Mais rien n'entame cet optimisme et le sentiment d'euphorie que provoque ton état. Bref, tu es totalement épanouie. Alors, est-ce que tu te retrouves Oui, franchement, c'est dans plutôt cette ça. Alors, il y description? a des inquiétudes comme pour tout le monde, mais je suis plutôt contente et je profite du moment. Ok, bah. Génial, t'as bien raison. Et maintenant, on va s'intéresser à tes habitudes de beauté en rapport avec la grossesse, voir ce qui a pu évoluer, toi, de façon générale. Qu'est-ce qui change le plus dans ton quotidien en étant enceinte? Donc, sans parler de beauté, de façon générale, c'est ça? Oui, voilà. Ok, bah alors il y a, je vais dire que c'est plutôt une certaine vigilance. Je vais faire Ah attention à tout oui. ce qui est alimentation. Alors pas forcément manger équilibré, même si c'est bien, hein, mais c'est plutôt tout ce C'est un qui est risque plus. de toxoplasmose, listériose, où on est quand même sensibilisé pendant la grossesse, donc pas manger de viande crue, poisson, Ah œufs oui. crus, voilà, faire attention, bien laver les légumes, etc. Donc ça, j'avoue que je fais attention. Moi, de façon générale, hors grossesse, je suis très pharmacie dès le moindre petit bobo avec de l'automédication. Je vais avoir un peu la gorge qui pique, je vais tout de suite avoir des pastilles à aller acheter à la pharmacie. Là, c'est vrai que pendant la grossesse, D'accord. je ne fais pas du tout ça. Tu t'es Zéro fait un peu violence du coup. automédication. Voilà, mais j'ai même pas envie, enfin, je veux pas prendre de risques. Donc, même tout ce qui est naturel et tout, mais tout ce qui est assimilable à des médicaments, c'est j'en prends pas. Et puis après, c'est vrai que je vais faire attention globalement à pas être en contact avec des produits qui pourraient être néfastes au bébé, même par exemple pour le ménage. Ben là, je vais faire attention aux marques que j'utilise. Ah J'ai essayé de oui. prendre les trucs les plus naturels. Je vais mettre des gants pour faire le ménage alors que ben, j'en mets jamais quand D'accord. je le fais hors grossesse. Donc voilà, je fais des petites un peu de vigilance. Ouais, d'accord. Et tu dirais que c'est l'alimentation qui est, enfin, forcément, comme on mange plusieurs fois par jour, c'est ça qui, enfin, ce à quoi il faut le plus penser, quoi. Oui, je pense que c'est vraiment bah, même quand on est invité ou autre, bon là ça marche pas trop parce que les restos sont fermés, mais quand on est au resto, de bien demander à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dans le plat. Et donc c'est vrai que là, pour Ah le oui, que coup, ce soit bien je cuit, préfère être chez etc. moi et que ça soit moi qui le fasse. Au moins je sais ce que je Ouais. mange. Mais ça, c'est très typique de la grossesse parce que hors grossesse, c'est pas Ah ça, hein, ouais. je cuisine pas. Ah oui, d'accord. Changement radical de ce côté-là. Et côté routine beauté, est-ce qu'elle a évolué aussi avec ta grossesse? Est-ce qu'il y a des cosmétiques que tu évites? Oui, alors déjà, ce qui a évolué, c'est que moi, généralement, la routine beauté, ça se concentre plutôt au niveau du visage, hein, au niveau des crèmes, etc. Là, D'accord. depuis le début de la grossesse, ben, j'ai investi dans tout ce qui est hydratation pour le corps, Ah oui, les ah ouais, crèmes d'accord. anti-vergétures, les huiles de grossesse, parce que du coup, ben, D'accord. forcément, je Il prends faut du volume, donc du prévenir. coup, voilà, j'hydrate la peau. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté dans ma salle de bain, c'est des crèmes pour le corps. Et D'accord. après, c'est Ah vrai que je ouais. vais faire attention à tout ce qui est. Enfin, je sais que c'est pas forcément absolument déconseillé, mais moi, par exemple, tout ce qui est vernis, je sais que j'en mets pas. Les Oui. colorations pour les mèches, etc. J'en fais pas souvent, mais ça m'arrive d'en faire. Mais pendant la grossesse, j'évite, quoi. D'accord, je vois. Ah ouais. Et est-ce que par rapport aux articles que tu achètes, tu vérifies sur des applications, par exemple, qui évalueraient la composition des produits, ou ça, pas spécialement? J'avoue que non. Moi, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller dans les rayons spécialisés femmes enceintes. J'ai vraiment les produits que j'achète là, notamment pour le corps. Je veux absolument la mention enfin, sécurité maman-bébé ou prévu pour les femmes D'accord. enceintes ou à utiliser pendant la grossesse. C'est vrai que ça, c'est des notions que je vais rechercher. Après, je vais pas forcément passer à l'application. Mais D'accord. je vais vraiment faire attention à ce que ça soit indiqué spécial femme enceinte. Au moins, je me dis, les tests ont été faits. Après, peut-être à tort, Ah mais oui, je voilà, vois. c'est ce qui va me Oui, ça te rassurer. rassure d'avoir. D'accord. Du coup, pour ça, tu vas plutôt en grande surface ou en pharmacie, la parapharmacie? Alors, plutôt parapharmacie, oui. D'accord. Et tu parlais du volume qui augmente. Est-ce que ton rapport au poids a évolué ou est-ce que c'est le même que d'habitude là en étant enceinte? J'avoue que ça a évolué. Je suis beaucoup plus, Ouais. beaucoup plus relaxe avec en dehors des périodes de grossesse. Je vais quand même me peser, pas tout le temps, mais régulièrement, disons une fois tous les 15 jours pour Ouais. voir. Ou si je rentre de D'accord, pour bien vacances, bon, je vais suivre me et dire, tout. oulala, j'ai un peu exagéré. Donc je vais me peser pour voir où j'en suis et pour pouvoir reprendre mon poids stabilisé. Et c'est vrai que là, enceinte, je D'accord. me dis de toute façon, je vais prendre du poids. Donc, je vais faire attention, je ne vais Ouais. pas manger pour deux, je ne vais pas arrêter de bouger, etc. Mais par contre, je ne me prends pas la tête. Je me dis, bon, tant que mes médecins ne me disent rien, c'est que c'est l'évolution globale. Donc, la balance, je ne l'utilise pas depuis ces 5 derniers mois. D'accord. Oh, ça fait du bien aussi, j'imagine. Oui, Faut pas y ça penser fait plus de bien que systématiquement. d'y monter, de toute façon, ça c'est sûr. Je le Ouais. dis loin de moi. Et ton rapport au sport, comment a-t-il évolué par rapport à la grossesse? Est-ce que Alors, là, j'avoue, tu enfin, fais un moi, peu je suis assez. d'activité? En dehors de la grossesse, il y a des périodes où je ne fais pas du tout de sport. Il y a des périodes où, quand je m'y mets vraiment à fond et j'aime bien les sports un peu corde à sauter, crossfit, etc. Et c'est vrai que pendant la grossesse, D'accord. je ne suis pas du tout attirée vers ces types de sports-là parce que déjà, sans rien faire, je suis essoufflée. Donc, c'est plutôt. Ah oui, Ça va être plus de d'accord. la marche. Si je peux avoir de la natation, bah, c'est bien. Là, en ce moment, les piscines sont pas ouvertes, mais voilà, Oui, c'est plutôt c'est des sa sports limite. un peu doux, donc la marche, Ouais. l'aquabike, pourquoi pas, mais plutôt D'accord. doux. Là, je vais Tu commencer les cours de adaptes du préparation coup. à naissance, donc voilà, je vais faire du yoga que j'avais pas fait en Ah dehors de la oui. grossesse, mais plutôt j'ai envie de quelque chose de D'accord. plutôt serein, où je me brusque pas trop, où je suis pas trop essoufflée, voilà. Ouais, d'accord. Donc tu respectes un peu ce qui est conseillé, mais toi aussi tu sens que c'est bénéfique pour toi de faire des choses plus douces par rapport à l'essoufflement et tout ça, quoi. Bah oui, après pour moi, je sais qu'il y a de plus en plus de tutos, etc., pour faire des cours de sport pour femmes enceintes. Et j'avais regardé un petit peu et Ah c'est quand oui? même bien rythmé. Ah Mais c'est d'accord. vrai que moi non, je me sens pas. Je me dis non, là, on va éviter. Mais c'est vrai que, enfin, il n'y a pas forcément, je pense, selon les femmes, elles n'ont pas forcément le même besoin. Mais moi, personnellement, je suis plus attirée vers des méthodes un peu douces en ce moment. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as vu des changements physiques au niveau, par exemple, de tes ongles, de tes cheveux, de ta pilosité? Souvent, on dit qu'enceinte, ça peut évoluer. Alors pour les ongles, pas forcément, j'ai rien noté. Pilosité, enfin la fréquence des séquences épilation n'a pas non plus évolué. Par contre les cheveux, c'est vrai D'accord. qu'ils tombent moins, donc j'ai moins de cheveux dans la brosse quand même, Ah. donc ça c'est plutôt chouette. D'accord. Ouais. Et après au niveau du teint, je trouve que j'ai plutôt bonne mine. Ça va en ce moment, Ah. enfin. La grossesse, elle fait je trouve un effet sur le teint. Alors, je sais pas si c'est la prise de poids Ah qui fait oui. qu'on a l'air plus reposé, j'en sais rien. Mais en tout Ah cas, ouais, je je vois. trouve que ma peau, enfin, elle est plus sympa pendant D'accord. la Ah grossesse. ouais. Et pas spécialement de petits boutons ou de choses comme ça? Bah, là, pour l'instant, non. Alors, après, peut-être que Bah, après la génial. grossesse ou plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que là, au niveau de ma peau, en ce moment, on est bien amis. C'est Ça va. plutôt bénéfique. Ah bah trop cool. Voilà. Alors, pas forcément par rapport à la grossesse directe, est-ce que tu pourrais, j'aime bien demander ça, nous faire rire en nous racontant une erreur que tu aurais faite avec un produit de beauté mal utilisé, maman Soso? Alors, j'ai pas une anecdote sur un produit de beauté mal utilisé. Par contre, j'ai une expérience un peu fâcheuse avec une D'accord. esthéticienne pour une épilation sourcils. En plus, c'est récent, donc on portait le masque, donc les sourcils étaient bien mis en Ouais. avant. Ah Et oui, c'est vrai. c'est vrai que c'était une esthéticienne que je connaissais pas. Elle était venue à domicile. Ouais. Et elle m'avait demandé, oui, qu'est-ce qu'on fait pour les sourcils? Donc moi, je lui avais dit, ben, j'ai les sourcils plutôt fins, donc je veux garder le maximum D'accord. d'épaisseur, mais je veux que ça soit bien net. Et du coup, elle me dit, mais du coup, j'enlève en haut et en bas. Et je lui dis, oui, les deux pour que ça soit bien net, mais garder le Ah maximum oui. d'épaisseur. Et là, du coup, elle Ouais. pose la bande de cire, chric, et je sens que ça fait quand même plus mal que d'habitude. Et après, Ah. j'entends, enfin, je vois qu'elle parle pas trop. Et après, elle me dit, ah, c'est vrai qu'ils sont quand même très fins, hein, vos sourcils. Et là, je me dis, Ah bon. Et après, je vois qu'elle hésite un peu. Elle me fait, je peux vous montrer quand même avant de faire l'autre? Et en fait, je n'ai fait ah, plus rien. c'est nul. J'avais juste Ah une là là. mini bande, enfin une mini ligne. Et j'étais là, oh Ah non. là là. Et donc après, il a Ah. fallu faire pareil de l'autre côté, en sachant que ça aurait été moche le Oui, résultat. Donc pour c'était bah oui, un bien peu sûr. horrible. Ah là Mais bon, je ne là. pouvais pas avoir deux Ouais. sourcils différents. Bah Donc oui, voilà, ouais, non, mauvaise c'est gênant. expérience. Ah ouais. Maintenant, je sais que Ah, les ça, sourcils, quand ça se c'est voit sur le bien quand visage, on même. n'aime pas trop. Oui, bon, Ouais. ils ont repoussé depuis, ça va. Ça va, Ouais. ils s'en sont bien remis. Heureusement, ça reste réversible pour un peu de patience, mais oui, c'est pénible. Tu t'as pas mis des grosses lunettes pour cacher ou quelque chose comme ça. Non, bah non, on m'avait. Enfin, l'esthéticienne était quand même gênée, donc elle m'avait proposé de maquiller, etc. Mais non, D'accord. finalement, je me suis dit, bon, on va assumer et on va attendre Ouais. que ça repousse. Et puis voilà. Vive le télétravail quand même, on voit moins bien en visio quand même. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'as été aidée de ce côté-là. Alors, dernière question dans la rubrique sur tes habitudes beauté avant de laisser nos auditeurs, pardon, t'imaginer. Quel est ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? Alors moi en ce moment j'aime beaucoup la crème pour le visage de Bioéthique Léa Nature à base d'aloe vera. Je la trouve D'accord. vraiment géniale. Et Ouais. du coup j'utilise 2 fois par jour. C'est vraiment mon produit indispensable. Si je D'accord. devais en avoir qu'une seule chose en partant en voyage, si un jour on peut revoyager, ce serait cette crème. D'accord. Ah ouais, ok. Bon à savoir. Donc tu trouves que, enfin, tu vois que ça te fait du bien. Enfin, pour l'instant, tu vois qu'elle est efficace ou c'est un peu difficile à Non, en dire. fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle hydrate vraiment bien, elle apaise tout de suite. Moi, Oui, j'ai une peau mixte, donc j'ai d'accord. des endroits du visage qui sont hyper secs et qui me tiraillent, et d'autres où j'ai tendance D'accord. à avoir la peau grasse. Et là, comme c'est une crème spéciale peau mixte, je trouve que par rapport à d'autres crèmes que j'ai essayées, elle hydrate vraiment bien. J'ai plus du tout la sensation de D'accord. tiraillement. Ah Et oui, en ok. même temps, T'es apaisé directement. beaucoup moins de Ouais. boutons. Alors après, c'est peut-être de la grossesse, hein, mais beaucoup moins d'imperfections que d'habitude. Je pense que parce qu'elle n'est pas grasse spécialement, donc elle me Ouais, elle a convient bien été plutôt bien. formulée pour ton type Voilà. de peau. Ah ouais, bah c'est vrai qu'une fois qu'on trouve, en général, on ne veut plus changer. Alors, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, vous le savez, les auditeurs, pardon, imaginent de leur côté mon invité. L'important, c'est d'avoir, enfin, pardon, l'imaginaire, pardon, c'est aussi la force du podcast. Et donc, nous souhaiterions que vous deviniez l'âge de Maman Soso. Est-ce que les différentes informations que Maman Soso vous a données vous ont inspiré quant à son âge? N'hésitez pas à nous donner votre avis avec un petit commentaire. En général, dans la vraie vie, donc en te voyant, on te dit que tu fais plutôt plus jeune que ton âge ou plus âgé? Alors, il y a quelques temps, on me disait que je faisais plus jeune. Cela dit, ça fait longtemps qu'on m'a plus D'accord. fait de réflexion, donc ça se trouve, ça a changé. Ah oui. Mais bon, D'accord. pendant longtemps, on m'a dit que je faisais plus jeune, mais après, je pense que là, maintenant, je fais mon âge. Hein. D'accord. Alors, on va voir en tout cas ce que ta voix laisse paraître pour Mathilde et Juliette. Vu qu'elle est enceinte, mais qu'elle a une voix assez jeune, je dirais. Allez, 27. 27 ans pour Mathilde et Juliette. Je pense que elle a 30 ans. Vu qu'elle est enceinte, je la vois pas trop avoir 20 ans et ça se voit que elle a l'air assez mature, donc 30. D'accord, Oh, sous-entendu, mature. ta voix fait quand même jeune, Mais comme tu es enceinte, tu dois être plus âgée que ta voix ne laisse paraître. Est-ce que tu peux nous éclairer? Bah, c'est pas très loin, moi j'ai 28 ans. Ouais. Ah, d'accord. Bien joué les filles, merci de votre participation. Et une autre info que nous souhaiterions vous faire deviner, c'est le temps que passe maman Soso dans la salle de bain le matin, en ce moment notamment. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Donc, c'est le temps complet, voilà, de préparation. Un matin normal, bah, avant, tu évoquais du télétravail. C'est ça qu'on souhaite savoir. Est-ce que quelqu'un va se proposer? Alors, nous avons déjà un commentaire. Mathilde. Alors, le temps de mettre sa crème à l'aloe vera, je dirais douche comprise, je dirais 20 minutes. Est-ce que tu es gênée pour le moment par, entre guillemets, enfin ralenti par ton ventre ou pour le moment pas spécialement? Non, non, pas du tout pour l'instant. D'accord. Pas du tout. Ok. Donc, 20 minutes proposées par Mathilde. Quelle est la réalité, maman Soso? Alors moi, je dirais oui, c'est ça, 20-30 minutes. J'aime bien traîner quand même sous l'eau, mais après, en termes de D'accord. routine, faut dire que c'est assez limité. Quand je ne me maquille pas, c'est vraiment un nettoyant, enfin une mousse nettoyante pour le visage et après une crème hydratante. Et après, vite fait, un lait hydratant sur le corps, mais bon, ça me prend 3 minutes au total. Hein, donc, avec la douche, je dirais oui, D'accord. 20-30 minutes max. D'accord. Est-ce que Moi, Juliette avait je pense deviné qu'elle met ça? un peu plus de 20 minutes, donc genre 25 ou 30. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Je note qu'on est souvent, avec les derniers invités, on est souvent dans ces eaux-là, hein, 20-30 minutes. Il faudrait que je regarde quelle est la moyenne de temps passé par les Français, parce qu'on a toujours à peu près les mêmes temps. Je Mathilde? pense que Juliette a triché. Alors, en l'occurrence, Juliette, on a eu le petit son qui disait que Juliette s'était exprimée pendant que maman Soso parlait, donc ah, je suis pas sûre qu'elle ait triché. Alors, une dernière info à deviner, ce serait la marque que maman Soso a le plus dans sa salle de bain. Donc, c'est vrai qu'elle nous a évoqué l'aloe vera, mais bon, et une, je ne vais pas répéter, mais son produit incontournable. Donc, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tu as évoqué aussi, c'est vrai, la parapharmacie. Donc, peut-être que tout ça pourrait faire deviner une marque de cosmétiques présente particulièrement dans ta salle de bain. Suspense. Est-ce que toi, elle est assez chargée en cosmétiques, ta salle de bain, en nombre de produits? Pas vraiment, pas vraiment. Par contre, c'est vrai que bon, j'ai quand même plusieurs marques. Je suis pas fidèle à une seule marque, mais j'ai pas énormément de D'accord. produits différents. D'accord. Ok. On va quand même voir si elles ont trouvé les Alors moi, marques en je dirais la question. marque Lush. Ah, Lush, la marque notamment de savon solide, assez naturel, etc. Et Bon, vu Mathilde? que j'ai peu de connaissances en termes de marque, je dirais allez, Nuxe. Nuxe qui se vend tout à fait en parapharmacie. Lush, par contre, c'est plus indépendant, donc ça sera des boutiques propres à la marque. Est-ce que tu as une de ces deux marques dans ta salle de bain, maman Soso? Alors, Lush, non. Par contre, Nuxe, Ouais. oui, c'est des produits que j'ai déjà testés et que j'aime bien, mais c'est vrai que je n'utilise pas du Ouais. tout en ce moment. Donc, je dirais si je D'accord. vais faire une photo là, de ma salle de bain, il y a quand même plus de produits Avène. Plutôt Aven, cette marque-là. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, plutôt produits Bon, bah, parapharmacie. ouais, du coup, on avait du coup Juliette, si je ne me trompe pas. Non, pardon, c'était Mathilde qui avait dit Nux, donc ça s'en rapprochait plus. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, maman Soso, ce que tu fais dans la vie peut-être, tes hobbies? Oui, alors je suis maman donc d'un petit garçon et je suis enceinte d'un deuxième petit garçon. Eh ben. Et sinon, dans la vie, je travaille dans les ressources humaines. Voilà, et j'ai 28 D'accord. ans, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord, top. Et tes hobbies, qu'est-ce que ce serait, enfin, si tu nous citais quelques hobbies, qu'est-ce Alors que moi, ce j'adore serait? voyager. prévoir des Ah voyages, ouais. voyager, prévoir des séjours. Donc en ce moment, c'est un peu la déprime. Donc Ah mince. vivement que toutes les contraintes sanitaires s'améliorent pour que je Soit puisse levé. recommencer à voyager. Eh oui, c'est sûr. Où est-ce que tu aimerais bien aller, par exemple? Alors là, j'avoue que je cherche plutôt des destinations que je peux faire avec des enfants en bas âge. Donc, ce serait plutôt D'accord, c'est rester sûr. là où je peux avoir des rendez-vous médicaux rapidement si besoin. Donc, tout à l'heure, on parlait de la Réunion. J'avoue Oui. que ça me tente bien. Et puis après, le Canada, c'est quelque chose que j'aimerais bien Ah faire oui. aussi avec des enfants en bas âge, en relouer un camping, un van ou un camping-car et partir avec les enfants. Mais ça, Ah. ce sera un petit peu plus tard. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, beau projet de voyage en tout cas. Voilà. Direction, chers auditeurs, mon Instagram beauté imaginée pour découvrir la photo que maman Soso a bien voulu partager avec nous ce soir. Nous avons une petite réaction de Mathilde. Merci Mathilde. Et tu n'as pas peur de voyager avec, du coup, bientôt deux bébés, enfin deux jeunes enfants? Ah, ouais, c'est Ah, bah en intéressant. fait, Est-ce que toi, ça c'est pour t'inquiète? ça que je vais choisir plutôt des destinations où j'ai déjà été avant d'être enceinte. Et ça, il y a plein de pays où j'ai vraiment envie d'y retourner. Je sais que par exemple, j'avais adoré le Costa Rica, etc. Mais ce n'est pas une destination Ah. que je ferai avec des enfants en bas âge parce que j'aurais peur, si jamais il y en a un qui est malade, de pas trouver les soins rapidement. Donc c'est vrai que je vais plutôt aller sur des pays où je sais qu'au niveau sanitaire ou hôpitaux, etc., il y a quand même une certaine Oui. prise en charge rapide. Donc des pays plutôt développés. Pour le début, en tout cas, quand ils sont petits. C'est vrai que je tenterai pas, par exemple, j'adorerais aller à Bali, mais j'avoue que c'est pas la destination que je ferais avec des enfants de moins de 2 ans, quoi. Oui, Ouais, je vois. Eh bien, merci beaucoup, Maman Soso, pour ta présentation. Nous allons passer à la rubrique Les 3 belles minutes scientifiques. J'ai renommé cette rubrique qui s'appelait initialement La belle minute scientifique parce que, en général, pour rentrer dans le détail, il faut un peu plus d'une minute. La dernière fois, nous avions Esther qui avait voulu que l'on s'intéresse aujourd'hui aux parabènes dans les produits cosmétiques. Alors, on a Je juste viens de voir la l'intervention de photo sur Juliette. Instagram et elle est très jolie, la photo à Étretat. Ah, Ah, c'est gentil, ça, merci. Juliette a reconnu le célèbre rocher. Alors du coup, Esther voulait donc en savoir plus sur le parabène. Est-ce que toi, ça te parle, tout ce qui est enfin polémique un peu sur le parabène, maman Soso? Alors j'avoue que non, j'ai hâte de savoir. Je sais que j'ai entendu que c'était pas top, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Alors, donc figure-toi déjà qu'au niveau de son utilisation, c'est un ingrédient synthétique, mais qui est utilisé voilà, dans énormément de produits parce que c'est un excellent conservateur. C'est pour ça qu'on l'utilise partout. Pour rappel, un conservateur, c'est un des ingrédients qu'on va ajouter au produit pour que le produit tienne dans le temps. Ça va agir contre la prolifération des champignons et bactéries ou contre le rancissement d'un corps gras. Tu vois, quand tu laisses du beurre dehors, il va avoir tendance à noircir. Et ça, évidemment, on veut l'éviter avec un produit cosmétique qui serait plutôt gras, comme même du beurre de karité ou quoi. Donc, deux grands défauts du parabène. Déjà, il va créer des allergies. En fait, une peau allergique qui se retrouve à son contact va être davantage irritée. On peut avoir des plaques, des boutons, de l'eczéma. Et le second défaut, et là, on est plus sur du soupçon, c'est on lui reproche d'être un perturbateur endocrinien, donc d'atténuer notamment la fertilité de l'homme en créant des dysfonctionnements sur son système hormonal. Donc c'est ça qui est particulièrement problématique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme le parabène est capable de traverser la peau, des études qui se penchent sur la question de sa dangerosité, de sa toxicité, ont apparemment retrouvé du parabène dans les tumeurs cancéreuses des patients étudiés. Parallèlement, en 2014, là ça va plus concerner notre thème de ce soir, une étude a confirmé le danger des parabènes sur les femmes enceintes. Donc c'est une étude qui a été faite sur 520 femmes enceintes par l'INSERM et elle montrait que chez ces mères de petits garçons, on retrouvait du parabène dans l'organisme des enfants par la suite et un fort taux de parabène pourrait être à l'origine du coup d'une forte prise de poids chez les enfants entre 2 et 3 ans. Donc c'est ça qui a été détecté, voilà, comme côté Oh, c'est néfaste. chaud. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément terrible. On note le côté petit garçon dans cette étude. Donc voilà, pour les petites filles, j'ai pas eu plus d'infos. Ça serait à creuser. Est-ce qu'il y a quelque chose de néfaste de détecter? Je ne sais pas. Et le piège, par contre, aujourd'hui, ce serait de se jeter sur les produits avec la mention sans parabènes, parce que ça se développe beaucoup là. C'est entre guillemets un peu à la mode. Et du coup, c'est ce qu'on va qualifier de greenwashing. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Non, Le non, non. greenwashing, c'est quand les marques utilisent des termes un peu à la mode comme ça, comme le sans parabène et tout, pour s'acheter un peu une image verte, écologique, rassurante, alors qu'au départ, elles ne font pas spécialement attention. Et du coup, la mention sans parabène, c'est bien, mais il ne faut pas que ça cache des ingrédients tout aussi toxiques. C'est ce que les différents sites que j'ai pu regarder, ce sur quoi ils alertaient. C'est pour ça que moi, mon D'accord. conseil, ce serait d'utiliser les applications pour être guidé. Tu sais, les fameuses applications qui checkent la composition des produits que tu utilises. Ça peut aider à être, voilà, à avoir au moins les ingrédients un peu mauvais qui ressortent, parce que sinon, c'est vrai on n'a pas de formation forcément de chimiste, etc., pour savoir ce qui est néfaste ou quoi. Et alors maintenant, Et côté du coup, c'est légal, en Europe, pas. Ah, ouais. voilà, c'était. J'avais une question, c'était de Alors, savoir pour est-ce que c'est c'est interdit? vrai, on Pourquoi se c'est pas demande interdit? toujours, voilà, est-ce que c'est assez rassurant, une fois que c'est interdit, tu te dis que du coup, c'est que les études ont été plutôt, enfin, sont allées dans ce sens. En Europe, déjà, il faut avoir en tête qu'on a un des règlements les plus stricts au monde pour tout ce qui est produits cosmétiques. Et quand on parle d'ingrédients controversés comme l'alparaben, ça veut dire qu'on le soupçonne d'être néfaste, mais qu'aucune étude n'a encore bien prouvé, confirmé la suspicion. C'est pourquoi, enfin, sinon, l'Union européenne les interdit dans ce cas-là. Donc, en l'occurrence, pour les parabènes, l'ASNM a indiqué en 2005 qu'il était possible de continuer à utiliser sans risque des parabènes dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Pour tout ce qui est leur impact sur enfin, leur aspect œstrogénique, donc c'est l'impact sur les récepteurs qui généralement détectent l'œstrogène. Le FSA, cette fois-ci, a indiqué en 2004 que le risque était avéré, mais uniquement in vitro et non in vivo, c'est-à-dire pas dans le corps humain finalement. Sur des cellules en laboratoire, oui, mais dans le corps directement, il n'y a pas eu de risque avéré, tu vois. Donc, dernière institution, c'est le comité scientifique de l'Union européenne. En 2005, il a démontré que les parabènes n'étaient pas une cause dans l'apparition du cancer du sein. Il a confirmé en 2013 l'innocuité du coup des parabènes. Donc c'est toujours ce qui est un peu délicat. On parlait déjà la dernière fois de tout ce qui est sel d'aluminium. Il n'y a pas eu une étude officielle vraiment validante pour qu'ensuite légalement on interdise complètement l'ingrédient. Maintenant, c'est sûr que c'est conseillé du coup, notamment enceinte, de les éviter. Mais voilà, D'accord. c'est intéressant, je pense, d'avoir conscience des polémiques, voilà, sans paniquer non plus, étant donné que on peut quand même faire confiance aux institutions et au légal, et comme il y a quand même beaucoup d'études de fait et tout ça. Rassurée, inquiète? Non, mais je ferai attention. Là, j'ai juste envie d'aller voir sur mes crèmes s'il y a du parabène ou pas. Mais bon, j'espère que non. Mais bon, on sait jamais. Ça te fait une activité de regarder Voilà, toutes les étiquettes, c'est mon activité de ce soir. activité Voilà, de la merci soirée. Alice. Alors, nous allons passer à notre rubrique Vrai-Faux. On va tester tes connaissances en matière de grossesse et beauté. C'est parti pour C'est 8 questions. parti. Chers auditeurs, J'espère n'hésitez que je ne pas vais à pas être nulle. participer. Donnez-nous votre avis, vos idées. T'inquiète pas, maman Soso. L'important, c'est de participer. Alors, première question. Le hammam est recommandé pour détendre la femme enceinte. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? Alors, le hammam, moi j'aurais tendance à dire non. Non, Que ce parce que serait j'ai plutôt l'impression pas qu'enceinte, enceinte, tout est recommandé. déconseillé. Donc, Ce serait qui trop me trop dirait, sympa. voilà. Donc Non, je me alors. dis, l'humidité, la chaleur, tout ça, si. Est-ce que c'est. Enfin, ouais, moi j'aurais dit non, j'aurais dit faux. T'aurais dit faux. Qu'est-ce que nous propose Mathilde? T'inquiète, tu ne feras jamais pire que Juliette et moi. Moi, je dirais que c'est vrai, pardon. Que c'est conseillé, je veux dire. D'accord, Mathilde n'est pas d'accord Je avec pense que toi, c'est faux Juliette. parce que la température est tellement élevée, je vois pas à quel point ça peut être bon pour le corps. En plus, ça donne des varicosités. Ah oui, Eh c'est vrai que bien, c'est pas bon pour la circulation. Enfin, c'est pas bon. Ça peut. oui, trop de C'est. chaleur, c'est vrai qu'en effet. Donc, bien joué, maman Soso. C'est en effet faux. Bien joué, Juliette aussi, du coup. Enceinte, c'est bien d'éviter le stress, ça c'est sûr. Mais le hammam, c'est plutôt déconseillé, tout comme le sauna, le jacuzzi, les bains très chauds, parce que la chaleur va faire chuter la tension de la femme enceinte, ce qui pourrait lui faire faire un malaise. Donc, plutôt à éviter. Tu en avais pris un Ok. récemment? Tu Non, étais non, allée mais dans moi un hammam je pendant fais tes cinq rien. mois. Je Non, pense non, que beaucoup de j'ai. gens sont dans ton cas là actuellement, mais oui, tu aurais plutôt fait attention à ça. Oui, et puis en plus j'ai l'impression que tous les trucs un peu jacuzzi, un peu sympa, il y a toujours, enfin je vois toujours quelque chose sur le petit logo femme enceinte déconseillée. Donc Ah oui, je c'est sais vrai. pas, je savais pas pourquoi, mais c'est vrai que. J'avais tendance à me dire que c'était pas pour les femmes enceintes. D'accord. Ok. Deuxième question, maman Soso, dans Beauté Imaginée, on est sur le vrai faux concernant grossesse et beauté. Pendant la grossesse, on recommande de poursuivre le sport. Vrai ou faux? Vrai, je pense qu'il faut juste adapter sa pratique sportive, mais qu'une activité physique, c'est toujours bien, quelles que soient les conditions. Comme tu le fais actuellement, de plutôt privilégier des activités douces. Voilà, alors moi je suis pas forcément un exemple actuellement, mais oui, je vais m'y mettre. Potentiellement. Que nous propose Alexandre? Salut Alexandre, merci de nous Vrai. rejoindre. Donc Alexandre est d'accord avec toi, Vrai, Mathilde exactement comme maman Soso. et Je Alexandre crois et qu'à un moment Juliette. de la grossesse, il faut arrêter tout sport, non? Genre quand le ventre est très gros. Alors. Du coup, Juliette aurait plutôt dit faux, si je comprends bien. Mais c'était vrai. Bravo, maman Soso. En fait, on conseille, c'est Yes. vrai, de poursuivre l'activité physique, mais en évitant les chocs qui pourraient être provoqués, par exemple, par le tennis, le jogging. Voilà. Donc, en l'occurrence, pour ce que nous précisait Juliette, bah, il faut a priori faire comme la future maman le sent. En fin de grossesse, il faut juste pas que ça tire trop, etc. Mais c'est toujours conseillé de faire de la nage ou. De la marche. C'est plutôt ce qu'on t'a conseillé aussi. Oui, Maman voilà, et puis c'est Soso, surtout, là, je les pense que ça spécialistes. dépend je pense que ça dépend de la grossesse, comment elle se passe. Je suppose que certaines Ah grossesses à oui. risque ou autres, il faut rester alité, par exemple, où là, ben, Ah c'est oui. non pour toute activité. C'est Mais sur sûr. une Mais grossesse qui se marcher. passe bien et avec avis du médecin, je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne chose. Que bénéfique. Que nous propose Mathilde? Je pense qu'à part en cas de grossesse difficile où il faut. Ah. Où il faut rester alité et tout, à mon avis, c'est toujours bien de faire de la marche, etc. Jusqu'à la fin pour faire sortir le bébé. Bien vu, Mathilde. Et donc, petit conseil pour la reprise éventuelle du jogging après la naissance, maman Soso. En fait, niveau hormones, pendant toute la grossesse, on sécrète la relaxine. Ça permet d'assouplir les ligaments des os de ton bassin pour bien sûr aider le corps à accoucher. Pour que le bébé puisse passer en temps voulu. Donc, ça implique aussi que toutes nos articulations, type cheville, sont plus sensibles aux tendinites lorsqu'il y a cette hormone. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, pas du tout. Donc, c'est la relaxine qui cause ça. Et donc, une fois que tu voudras peut-être reprendre le jogging, en fait, cette relaxine, elle est présente pendant 4 mois dans ton corps après la naissance. Et en cas d'allaitement, elle est même présente pendant 6 mois. Donc, si tu veux faire du jogging après la naissance, idéalement, il vaut mieux attendre ces périodes-là pour éviter les tendinites. Ah, mais c'est noté, c'est un bon conseil. Peut-être que tu ne supportes pas le jogging, hein. Mais en tout cas, si tu veux Non, mais au moins courir. ça me fait une bonne excuse pour l'éviter pendant les 6 mois après la naissance. Ouais. Je ne te proposerai donc pas de jogging prochainement. Alors, le troisième vrai-faux. Le masque de grossesse, c'est une hyperpigmentation de la peau au niveau du visage. Il apparaît sous la forme de taches brunes, plus ou moins foncées, souvent autour des yeux, du front, du nez. et au-dessus de la bouche. Vrai ou faux, maman Soso? Bonne question. Allez, je vais dire vrai. Donc tu Mais penses que pas sûr. le masque de grossesse, c'est une hyperpigmentation de la peau au niveau du visage. Oui, pour moi, Est-ce c'est que des taches qui quelqu'un a apparaissent le et qui même... disparaissent, mais qui s'en vont à condition qu'on n'aille pas trop au soleil, j'avais entendu. Mais après, c'est peut-être pas ça. D'accord, on va voir si nos auditeurs sont du même avis, Moi, je Juliette. dirais faux, juste parce que j'en ai jamais vu. D'accord. Moi, je Alexandre. dirais faux, mais sans certitude. Et Bon, j'ai Mathilde? aucune idée, mais au hasard, je dirais faux. Alors, aucun n'est d'accord avec toi, hein, si je me trompe. Le monde contre moi. Bon, Et bah, ça doit être pourtant, la certainement faux. principale, eh ben non, la principale intéressée avait raison. C'est bien vrai. Ah, En fait, le yes! masque de grossesse, il arrive surtout au quatrième mois de grossesse. Il est dû à l'œstrogène et à la progestérone, qui sont deux hormones particulièrement émises, sécrétées lors de la grossesse. Et il est donc dû à une production excessive de la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui est responsable de la couleur de la peau. Donc la mélanine est produite par les mélanocytes, qui donc sont des cellules sous la peau, et elles sont un peu en état d'hyperfonctionnement lorsqu'elles sont touchées par les rayons du soleil. Figure-toi qu'en France, 5% des femmes enceintes seraient touchées par ce phénomène, et plus souvent les phototypes foncés, donc les brunes surtout. D'accord. Est-ce que Ah oui, donc est-ce que tu... c'est pas si fréquent que ça en fait. Non, c'est C'est un risque en 5%, je fait. pensais que c'était d'accord. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est pas énorme, 5%. Une femme sur 20, si je ne me trompe pas. Et le problème, en fait, c'est qu'il peut être irréversible. On doit alors utiliser des soins dépigmentants, des peelings chimiques pour l'atténuer. C'est pour ça que la règle, souvent, c'est de dire pas d'exposition sans être protégée, notamment pendant la grossesse. Ouais, Alexandre? une femme sur 20 et ça fait même 5 femmes sur 100. Ah, bien vu! 5%, ça fait 5 femmes sur 100. Merci pour cette précision, Alexandre. Alors, quatrième question, maman Soso, pour l'instant, c'est un sans faute. Dépasseras-tu le record, si je ne m'abuse, d'Alexandre, justement? La coloration capillaire est reconnue scientifiquement comme toxique pour le fœtus. Vrai ou faux, maman Soso? Alors, je pense que c'est faux. C'est pas recommandé, mais c'est pas prouvé que ça fasse quelque chose de mal. Donc, j'aurais dit faux. Je pense que c'est faux, que voilà, on est plus sur une alerte, mais que c'est pas reconnu, un peu comme l'histoire du parabène, du coup. Est-ce que Voilà. nos auditeurs ont un avis sur la coloration capillaire pendant la grossesse? Nous sommes dans notre vrai faux de beauté imaginée avec Maman Soso. On s'intéresse à la grossesse et à la beauté. Est-ce que la coloration capillaire est reconnue scientifiquement comme toxique, Mathilde? Bon, allez, je dirais faux. Tu penses que c'est faux, tout comme Maman Soso. Bravo les filles, c'est faux. Ça n'a pas encore été prouvé, mais comme les produits peuvent passer dans le sang via le crâne, on applique en fait la règle du risque zéro. Enceinte, c'est toujours le principe de précaution Ah, j'avais avant pas bien tout. entendu, en fait, vrai. Ah bah dommage. Bah, t'as perdu. Bien joué. Bien joué, Mathilde. Bien joué pour ta pertinence légendaire. Maman Soso, du coup. C'est parfait. Cinquième question, on est à la moitié puisque nous avons 8 questions. Pour l'instant, tu auras au moins la moyenne. L'état de peau peut évoluer pendant la grossesse. Vrai ou faux? Alors, vrai, vrai. Tu penses que c'est vrai que l'état de ta peau peut J'ai évoluer, bien fait de me Mathilde? rectifier. Mathilde réagit à sa petite erreur juste avant. Donc pour toi, c'est vrai que l'état de peau peut évoluer pendant la grossesse. Est-ce qu'un auditeur veut tenter sur cette réponse, Alexandre? Je Merci de ta dirais participation encore. vrai aussi. Tu penses que c'est vrai, tout comme un Je morceau. dirais vrai. Oui, pardon. Vrai pour Mathilde, Ouais, je pense que c'est Juliette. carrément vrai, rien que... Non, j'allais dire une connerie. Je suis quasiment sûre que c'est vrai. D'accord, il fallait 2 notes vocales pour ça. Donc, tu as bien dit vrai, hein, maman Soso, je ne me suis pas Oui, j'ai dit trompée. vrai. Tu penses que l'état de peau Merci beaucoup change? pour ton argumentation, Juliette. C'est ça, Juliette, ouais, elle a besoin de plusieurs audios pour qu'on comprenne bien tous ces arguments. Eh bien, en tout cas, bravo, c'est vrai. Alors, déjà, la peau sous l'effet des hormones, elle produit plus de sébum sur le visage. Donc, côté visage, on aurait une peau plus grasse enceinte. Est-ce que tu as remarqué ça? Tu évoquais une peau mixte, donc qui serait grasse surtout sur la zone T et peut-être moins, enfin, soit sensible, soit déshydratée sur le reste du visage. Maman Soso, qu'est-ce que tu as remarqué? Bah, j'avoue que moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ma peau, elle est quand même plus belle, là, moins Plus d'imperfections, lisse, etc. plus. Alors que j'avais D'accord. assimilé peau grasse à imperfection. Mais après, Tout j'ai à fait, aussi oui. moins de Brillance tiraillement. Donc aussi. peut-être que, voilà. Oui, moi, je trouve que, D'accord. pour l'instant, après, c'est peut-être, je pense, selon les trimestres de grossesse, le taux d'hormones est différent. Ça joue peut-être, Ah, mais. possible. C'est vrai, Peut-être que tu as ton dans 2 semaines, je deuxième. serai là, ah bah ça y est, On devra absolument bim. refaire un live pour corriger toutes tes On impressions. verra. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'était une fausse alerte. Alors, on a Mathilde qui intervient. En deux notes vocales, elle doit avoir aussi de sacrés Comme arguments. Juliette est végane, elle a un peu de mal. C'est peut-être grâce à la crème à l'aloe vera, hein. Ah, possible. Ah, C'est peut-être peut-être, cette crème peut-être. qui est magique. Du coup, en fait, c'est donc vrai, on a dit pour le visage. Et parallèlement, côté corps, la grossesse bouleverse ton système immunitaire. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu Alors, sais je que ton sais pas, système mais j'ai envie de immunitaire faire est diminué, atténué? je vais faire une hypothèse. Je me dis, comme le corps est concentré à créer un bébé, il peut pas tout faire, Ouais. donc du coup, il laisse un peu tomber Ah. le système immunitaire. Mais bon, je sais pas. Alors, en fait, en temps normal, ce petit fœtus est considéré comme un corps étranger, puisque ça reste quand même un autre être vivant. Donc, en temps normal, ton système immunitaire irait plutôt le bousculer. Et c'est pourquoi le système immunitaire est affaibli pendant la grossesse, pour éviter que tu attaques ton propre bébé pour t'en protéger. Donc voilà, c'est pourquoi il y a des bouleversements du système immunitaire pendant la grossesse. Et parallèlement, ils peuvent se traduire par des réactions allergiques, en fait. Par exemple, des démangeaisons quand ta peau se distend pour s'adapter rapidement en rondeur, elle va avoir tendance, pardon, à se distendre. Ça se dit ça? bon, Oui, à se je comprends le tutirer. principe en tout cas. voilà, c'est parce que le système immunitaire est moins en place. T'as jamais, est-ce que tu as remarqué que si tu as par exemple un rhume, il va durer plus longtemps qu'en temps normal? Je sais pas si tu l'as remarqué. Non, bah, j'avoue que pour le coup, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, pendant mes grossesses, que je sois plutôt en bonne santé. Donc Ouais. là, Ah je ne bah sais pas si top. c'est parce qu'il y a le confinement et le télétravail, donc je croise moins de gens et du coup, j'attrape moins de trucs. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai pas. C'est vrai que Non, ça peut pour aider l'instant, je n'ai de se pas fait barrer comme ça. l'expérience et j'espère que je n'aurai pas à le faire. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Alors, que Alors, nous j'ai déjà disent nos entendu, invités? cette fois, c'est pas une connerie, qu'on a de meilleurs cheveux pendant la grossesse, donc pourquoi pas une meilleure peau? Oui, moi, je pense comme. Je sais plus si c'était faux ou vrai, mais je pense comme Maman Soso. Alors, c'était une petite info dans la réponse, donc il n'y avait pas En fait, ça de a l'air vrai faux génial cette d'être fois-ci. enceinte, Sophie. Bah, Alors, par franchement. rapport à quoi est-ce que c'est parce que le système immunitaire est un petit peu faible? Et donc, Juliette, pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai que les cheveux sont plutôt en meilleure forme. Il y a beaucoup de kératine de produite pendant la grossesse. Et donc, la peau, voilà, c'est moite-moite parce que si on a une peau sèche habituellement, bah, comme là, elle va sécréter plus de sébum sur le visage, elle va avoir tendance à être un peu rééquilibré, donc ça c'est top. Par contre, voilà, on voit qu'il peut y avoir plus d'allergies et tout, donc ça dépend. Elle a une plus belle peau, elle perd moins ses cheveux, elle fait pas de Ah oui, sport. j'avoue. D'accord, donc Elle fait c'était pas pas de de l'ironie, sport, enfin, elle pas grossit tout et à en plus fait. elle est contente, voilà. Et avec C'est les hormones. illuminée. Ah Voilà, c'est les hormones, on est un peu sur un nuage et après, bim, après la ouais. naissance, c'est oula, j'ai peut-être un peu exagéré, voilà. Alors, on passe à notre sixième question dans le vrai ou faux de beauté imaginée. Les perturbateurs endocriniens, on évoquait le parabène, sont néfastes pour tout individu et notamment pour les femmes enceintes. Vrai. Ce serait vrai Enfin, pour mince, toi? du coup, c'est. Il faut nuancer, enfin, parce que du coup, tu disais que c'était pas prouvé, enfin, en tout cas, pas totalement prouvé pour que les autorités fassent quelque chose. Mais bon, j'aurais quand même tendance à dire vrai, que c'est pas bon, donc c'est néfaste, quoi. Donc pour toi c'est vrai, Ah Alexandre? bah moi aussi j'aimerais bien être enceinte du coup. Ah bah, viens t'inscrire, on va faire un petit club. N'importe quoi. Mathilde. Allez, je suis la première intuition de Sophie, je dis vrai. D'accord. Eh bien, en effet, bravo. En fait, donc, tu as raison, le parabène, par exemple, n'est pas encore enfin, légalement, suite aux études, il n'a pas été interdit parce que on a du mal à faire le lien entre le fait qu'il soit perturbateur endocrinien et enfin, entre la prise, enfin, entre sa prise et l'impact sur les récepteurs hormonaux du corps. Mais le perturbateur, le mot perturbateur endocrinien, comme le mot l'indique, un perturbateur, c'est mauvais de toute façon. Maintenant, est-ce que le parabène en est vraiment un? Là, c'est une autre question. Du coup, c'est vrai, en effet. Il y a plusieurs ingrédients qui sont controversés comme ça, soupçonnés donc d'être considérés comme en fait des hormones par le corps. Tu vois, c'est ça le principe d'un perturbateur endocrinien, c'est qu'il va... Il va être capté par nos récepteurs naturels qui normalement vont capter plutôt nos hormones naturelles pour ensuite donner une action au cerveau. Et là, il va prendre la place des hormones naturelles, donc ça peut chambouler tout l'organisme. Et ça a une influence sur des mécanismes comme l'ovulation, la grossesse bien sûr aussi. Donc le problème en plus, c'est qu'un perturbateur endocrinien aurait une action même longtemps après avoir été consommé. C'est ça qui est très gênant. Et donc, pour être guidé, puisqu'on n'est pas chimiste, je le disais un peu tout à l'heure, il y a les applications. Il y a quand même une limite à ces applications. Elles ne vont pas forcément donner la même note les unes des autres quand elles notent un produit cosmétique, notamment parce que, je ne sais pas si tu avais entendu dans le live la dernière fois sur les produits naturels et biologiques avec l'invité Esther. On avait évoqué le fait que dans légalement, il n'y a pas d'obligation de préciser le pourcentage d'ingrédients dans un produit cosmétique. Et du coup, de ce fait, une application va peut-être plus sanctionner la présence en tant que telle d'un produit quand en fait il y a une très faible présence, mais n'ayant pas l'information, elle va peut-être être plus sévère quand une autre va l'être moins, tu vois. Ah, ok, je vois. Donc voilà, c'est pour Ok. ça qu'on peut aussi prendre plusieurs applications. Bon, après, ça commence à faire passer pas mal de temps à choisir ces produits, mais ça peut être une solution, pourquoi pas, avoir un peu une tendance, parce que l'avantage, c'est qu'elles donnent quand même toutes, normalement, les ingrédients qui sont vraiment controversés ou néfastes, ils sont en rouge directement. Donc ça, au moins, ça permet de le savoir. Et en fait, du coup, au niveau des ingrédients synthétiques soupçonnés d'être toxiques pour une femme enceinte, je vais te les citer. Maintenant, ça ne va pas forcément. tu ne vas peut-être pas forcément tous les connaître. Mais donc, il y avait les sels d'aluminium, on en avait parlé la dernière fois, qui sont utilisés dans les déodorants, les antitranspirants. On a donc les parabènes, présents dans de nombreux produits de beauté comme conservateurs. On a aussi le triclosan, lui, on le retrouve dans les dentifrices. Le formaldéhyde et l'ammoniac également, qui eux sont utilisés dans les colorations capillaires et le vernis, tu vois, d'où le conseil de D'accord. pas trop les utiliser, hein, ça souvent on entend de les éviter, vernis et coloration. Nous avons également les phtalates, qui eux sont notamment dans les parfums et dans le vernis à nouveau. Et nous avons aussi le benzophénone, donc là ça va être présent dans les filtres UV des crèmes solaires quand elles ne sont pas biologique parce que les crèmes solaires biologiques théoriquement les évitent. Mais côté ingrédients naturels, il faudrait aussi éviter, pourquoi pas, les acides salicyliques qui eux sont utilisés dans tout ce qui est traitement anti-acné et le rétinol ou les dérivés de la vitamine A très utilisés dans tout ce qui est anti-âge, anti-tache, etc. Donc Voilà. L'avantage des applications, c'est qu'elles mettent en rouge de toute façon ce qui est controversé ou mauvais comme les ingrédients de cette liste. Et toi, de toute façon, tu disais, tu regardes à ce qu'il y ait le petit logo femme enceinte friendly, en fait. Oui, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, mais là, j'ai bien pris note de tous les éléments et je vais aller vérifier ça quand même. On ne sait jamais. Pour une nuit de folie. Alors, nous avons donc un sans faute, hein, à chaque fois, si je ne m'abuse, là, tu viens d'avoir bon à nouveau, n'est-ce pas? Exactement. Pour cette Je ne sais question. pas Oh là quel est le là. record à battre, mais je suis motivée. Ah, mais là, il reste deux questions, on va voir ce que ça donne. Septième question. Les auditeurs, mobilisez-vous. La première gamme de beauté pour femmes enceintes en France date de 1945 à la sortie de la guerre. Vrai ou faux? Ah merde, bah là c'est compliqué. Alors attends. Bah là pour le coup ça va être vraiment au pif. Une gamme de beauté, c'est-à-dire une marque, c'est ça qui a fait spécialement. C'est pas un produit Donc, utilisé, c'est la vraiment une première marque qui a été gamme créée. de beauté pour femmes enceintes. Ah. Donc, oui, plusieurs produits. Je l'entends, Wow. enfin. J'ai pas assez creusé pour savoir, mais pour moi, ça sous-entend que c'est aussi les premiers produits pour femmes enceintes. Hein. C'est comme ça que je comprends, mais peut-être que y avait déjà un produit qui existait depuis des lustres. Bon, ça m'étonnerait quand même. Je pense que c'est la gamme et sous-entendu les produits pour femmes enceintes en France. Qu'est-ce que Bon, moi tu en j'aurais dit penses? faux. J'aurais dit faux. Faux. Qu'est-ce que nous proposent nos auditeurs? Merci beaucoup de votre participation active, Alexandre, Mathilde et Juliette. Nous vous Vrai. écoutons. Vrai pour Alexandre. Faux. Mathilde. Je dis que ça datait d'avant. D'avant. Moi je dirais Juliette. que c'est sorti avant même. Et toi, tu as dit Moi, maman Soso. j'ai dit faux. Je pense que Et c'était tu aurais bien estimé à longtemps quand? avant. J'aurais pas essayé, mais je me dis les produits naturels. Enfin, je pense que les femmes enceintes, elles, enfin, il y avait des produits, enfin, un peu de remèdes de grand-mère, etc., qui se passaient de génération en génération bien avant 45. Donc D'accord. voilà. Là, c'est vrai qu'en fait, c'est faux, bien joué, mais c'est carrément après, c'est en 1994, les Ah amis. mince. En fait, C'est pas là, grave, je suis j'ai bon. c'est un peu le côté marketing. Ouais, c'est ce qui compte. C'est le côté marketing, en fait, le fait de lancer une gamme de beauté pour femmes enceintes. Peut-être qu'il y avait tout à fait des produits adaptés, mais là, c'est le côté étiqueter une gamme comme étant. Pour les femmes enceintes, tu vois, il y a un côté très marketing qui correspond plutôt à notre société actuelle avec la multitude d'offres qu'on peut avoir en cosmétique. Donc, non, rien à voir avec l'après-guerre. Je me suis dit, tiens, quelle date pourrais-je inventer? Non, 94. Et donc, c'est notre dernière question. Là, tu vas peut-être nous proposer un sans faute, toute cette pression Toute qui la est sur tes pression là. épaules. Oh là là, heureusement que tu as de l'aide à l'intérieur de toi. Alors, un soin spécial femme enceinte en institut de beauté se distingue des autres exclusivement par la composition de l'huile de massage utilisée. Vrai ou faux, maman Soso, pour cette dernière question de notre vrai faux de beauté Alors moi imaginée. j'aurais dit faux parce que il faut faire attention aux composants effectivement. Je sais qu'il n'y a pas d'huile essentielle ou des choses comme ça, mais je pense que les parties du corps, on va pas par exemple, enfin en termes de position, si on fait un massage, on va pas être sur le ventre, donc il n'y aura pas la partie, enfin ça va être adapté. Et je pense que les personnes qui font le soin évitent de toucher la partie ventre. Enfin, bon, j'aurais dit, il y a plus que le produit, il y a aussi la façon de faire, c'est peut-être plus doux, moins dynamique que sur un autre type de massage. D'accord. Que nous propose, que pense Je Alexandre? dirais faux. Tu penses que c'est faux Moi, je dis aussi? Et faux parce Juliette? que maman Soso, elle a toujours raison. Eh bien, je tiens à applaudir maman Soso. C'est un sans faute. Je ne sais pas si on entend que j'applaudis. Bravo. C'est Oui. un premier record. Je Mathilde, là, dirais que faux aussi. propose? D'accord. Bravo à tous. C'est faux. Donc, tout comme tu l'as expliqué, on voit que c'est ta deuxième grossesse et que du coup, tu es calée sur toutes ces questions. D'ailleurs, sérieusement, est-ce que tu trouves que tu connais beaucoup plus de choses pour une deuxième grossesse ou tu avais déjà appris tout ce que tu sais aujourd'hui lors de ta première grossesse? Bah, je pense que je suis moins stressée. Quand on a fait le test tout à l'heure, je pense qu'on l'aurait fait à ma première grossesse, j'aurais été dans la Ah personnalité ultra stressée parce oui. que j'étais vraiment très, très, très, très, très stressée. Et là, c'est vrai que je Mmh. profite plus parce que je me dis, il faut en profiter, c'est un bon moment et tout. Ce qui n'était pas forcément le Ouais. cas de la première grossesse. Et donc, c'est vrai que comme j'étais tellement Ouais, stressée pour d'accord. la première grossesse, j'étais en train de lire des trucs tout le temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Ouais, Là, là, je t'as suis pas le plus temps, zen c'est quand même. l'avantage. T'as pas le temps de lire des trucs avec un aîné Oui, déjà. exact. Et puis parfois, je me dis aussi, bon, allez, c'est pas grave. En vrai, je le fais tout le temps. C'est parce que là, je le fais que ça va être catastrophique. Je relativise plus alors que Ouais. la première grossesse, c'était plus compliqué Mmh. quand Tu vois que tu as réussi à faire un enfant parfait, super mignon, et même. du coup tu dis c'est bon, Je me on dis peut, franchement, on voilà. pas besoin de stresser. Alors, pour détailler un Exactement. petit peu, comme tu le disais, certes on utilise des huiles sans essentiel avec une composition adaptée, mais il y a d'autres différences. Déjà, avant 3 mois, les instituts généralement n'en proposent pas pour éviter tout lien éventuel avec une fausse couche, même si le lien n'est pas avéré. Toujours le principe de précaution. Généralement, d'ailleurs, il peut y avoir une décharge de responsabilité qui est fait, qui est signée par la cliente. Une autre différence, c'est la position, tu l'as dit. En fait, la cliente ne va pas s'allonger sur le ventre, elle peut être sur le côté ou assise, et les mouvements vont être plus doux. Et petite info, il existe des ostéos spécialisés dans les femmes enceintes qui peuvent proposer des séances spécifiques pour soulager les différents maux. Il y a aussi des kinés qui peuvent prodiguer des massages adaptés. Toi, tu as déjà essayé, maman Soso? Alors oui, j'ai essayé les deux, ostéopathe et kiné. Et c'est vrai que c'est pas mal. Après, il faut trouver la bonne personne. Mais Ouais. ça peut aider à régler quelques petits maux de grossesse, comme les maux de dos ou des choses comme ça. En tout cas, pas, si ça supprime pas, ça aide ou ça prévient, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais, d'accord. Eh bien, encore félicitations pour ce quiz. Que nous dit Mathilde? Bravo! Presque aussi bien que Mathilde, moi. qui avait été interrogée sur les cheveux. Et alors, je reconnais que je ne me souviens pas par cœur de sa note. J'essaie de regarder si je la retrouve, mais rare, peut-être que Mathilde s'en souvient, qu'elle n'oubliera jamais cette excellente note qu'elle a obtenue dans Beauté Imaginée, dans notre vrai faux. Elle avait eu un joli 6 sur 12. Donc, ce n'était pas tout à fait aussi bon. Alexandre avait 8 sur 10, c'était le record à battre. Mais là, maman Soso a 8 sur 8, c'est excellent. C'est pas très grave si tu ne retrouves pas. Non, je pense que Désolée, c'était Mathilde. 6 sur 11, un truc comme ça. Et pas loin, pas loin. Même ça, tu t'es trompée. Même à ta Je note, Mathilde, tu t'es trompée, je suis navrée. Du coup, au niveau des sources que j'ai utilisées pour réaliser ce vrai-faux, c'est Cosmeticops, Passeport Santé, l'émission N'est plus des pigeons et moncornerb.com. Ouais, mais Alexandre? 8 sur 8, c'est plus facile à voir qu'une note sur 10. Donc je considère que je suis toujours le détenteur du record. D'accord, je vois Alexandre. Un jour peut-être on pourra vous essayer de vous départager. Le but c'est de gagner en fluidité, donc c'est vrai que là j'ai essayé de réduire le Oui, nombre j'ai le de vrais seum faux. et je l'avoue. Et tu l'assumes. C'est tout ce qui compte, Alexandre. Et Mathilde? Non, Alexandre, non. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de ce live stéréo Beauté Imaginée. Chers auditeurs, si vous avez des questions à poser à notre belle invitée Maman Soso, c'est le moment. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu Dis-moi. pourrais me proposer un thème, en fait, pour mon live de demain? Est-ce qu'il y a un mécanisme peut-être en cosmétique, une réaction de la peau, un produit que tu aimerais comprendre pour mes prochaines belles minutes scientifiques, Maman Soso? Alors oui, Est-ce j'avoue que que quelque tout à l'heure chose on te parlait de vient? pilosité et moi j'entends parler Ouais. souvent de l'épilation au laser et je voudrais bien Oui. savoir c'est quoi le principe et si c'est pas dangereux, s'il n'y a pas des contre-indications et comment ça fonctionne en D'accord. fait. Génial. Très intéressant, d'autant plus qu'en effet, il y aura on en parlait tout à l'heure, mais en plus demain, j'ai déjà teasé l'émission, ça parlera d'épilation aussi, donc ça sera parfaitement en lien. Oh, moi je veux faire une séance, un live sur l'épilation et comme ça je pourrais parler de l'épilation au laser. Ah ouais, bah Mathilde, ça ouais, c'est prévu. Il y a encore quelques personnes qui à inviter beauté imaginée, mais j'ai bien en tête que l'épilation, ce sera ton domaine et que tu feras du coup un sans faute. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur beauté imaginée. Merci beaucoup, Sophie, de m'avoir accompagnée et répondu. Merci à toi, j'ai passé un très bon moment et merci à tout le monde Ah pour bah. vos Ah. réactions. Avec plaisir. Oui, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. Si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée à poser à mon invité, n'hésitez pas à me la proposer. Si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram beauté imaginée. Entre beauté imaginée, c'est le tiret du 8, pas d'accent. On se retrouve demain à 20h45 avec mon prochain invité, Léo, pour un live sur le thème de l'épilation masculine. C'est une exclusivité. Eh bien, j'en perds mes mots tant je suis émue par ce thème et ravie d'interroger à nouveau un homme pour parler beauté. Je trouve que c'est très intéressant aussi. À bientôt tout le monde pour un prochain live sur Stéréo de beauté imaginée. Merci beaucoup, maman Soso. À bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. On a Très Juliette. intéressant, merci, et je serai là pour l'épilation masculine, ça m'intéresse beaucoup. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Ah, on a encore. Ah, mais décidément, pas évident de ne pas partir avant. Enfin, je ne veux léser personne. Qu'est-ce que nous avons comme dernière? Joris Beaufort. Bonsoir, Joris. Je pense que nous pourrions réaliser un débat. C'est un thème très intéressant, Boris. À bientôt, tout le monde. À bientôt.